Oh, je me demande pourquoi le peuple américain ne se soulève-t-il pas contre leur cruel souverain, fermés dans leurs prières et leurs valeurs guerrières, trompés par leurs médias. Ils n'hésitent plus à envoyer leurs fils à l'inutile combat. Tout ça pour charcuter, se faire charcuter. À voir comme ils recrutent leurs soldats, les salopards. Cette jeune pauvre et sans emploi. Nous, on vous donne la chance d'aller faire la guerre là-bas. Dans la ville du désert, les bombes tombent sur les toits. Les civils se disloquent. Et le lendemain, c'est de la pâté pour chat. Au pays de l'or noir, la guerre est terminée. Au pays de l'or noir, aucune arme n'a été trouvée. Tout ça pour charcuter, se faire charcuter. Oh, faut voir comme ils recrutent leurs soldats, les salopards. Cette jeune pauvre et sans emploi. Allez donc vous faire tuer pour nous là-bas. Peut-être que dans un siècle, une menace extraterrestre arrivera sur Terre pour foutre la galère. Alors on demandera l'aide aux hommes de la guerre. Mais on ne trompe pas de foi ceux qui sont morts pour rien au combat. Pour rien au combat. Ceux qui charcutaient, qui se sont fait charcuter. Le chef d'État les avait tous trompés. Vous êtes jeunes, pauvres et sans emploi. Je vous ordonne de servir pour moi. Je me demande pourquoi le peuple américain ne se soulève-t-il pas contre leur cruel souverain.